essayer de te suivre, Dirty. Comment ça va, Coco? As-tu bien dormi dans ton bus, Coco? Ça va bien. Trop la tête dans les nuages, trop dans le travail ces jours-ci. Faut du temps pour me relaxer. En train de jouer encore World. Z qui commence à avoir un peu marre parce que on tourne en rond. Faire les accords de Dirty. Attention Coco, ces accords appartiennent déjà à une chanson. Nous avons pas forcément le droit de réadapter. Ça c'est, tu te rappelles pas ça? Bah là il les a changés. Non, il a pris les accords d'origine, ouais, c'est ça. Ça c'est... trop aigu pour moi, c'est pour ça. C'est trop aigu pour moi. serveur. Il va nous faire péter le serveur. Et je savais pas quoi, t'es complètement à la main, quoi. Thank you. ça. Yeah.